Est-ce que tu écoutes, toi, la radio? Non, hein, t'aimes mieux la télé. Des fois? Mais j'ai même la cassette de Carmen Campagne. Ah! Et on sait que Carmen Campagne a été découvert par CKRL, hein? Je pense que je suis plus à fleur de peau, comme pas mal de monde. On est un petit peu plus troublé par tout ce qui se passe. Il y a aussi le sentiment de peur. Ce qui fait que j'ai l'impression de redécouvrir plusieurs éléments de ma vie. Un peu comme quand on est adolescent et qu'on commence à goûter au plaisir de la vie adulte. Quand je pense à hier, quand je pense à demain. Si on ne parle pas de spiritualité, on parle de peu de choses. Parce que moi, j'ai écrit un poème entier pour dire prenez soin de l'invisible. Prenez soin des mots, madame, puis ensuite prenez soin de l'invisible. Parce qu'il faut devenir la cible sur laquelle on tire. Devenir la cible, c'est se projeter soi-même en avant de soi. Bon, Radio Temps, c'est quand même ça a du TP. Non, Chris. Écoutez et donnez généreusement. To the Radio Temps. Bonjour, nous sommes Adèle, Laure, Charlotte Gant et Marie du Macha Club. Vous écoutez le Radio-Tonton de CKRL 89.1. On est là. Oula. On va les séparer les trois. En quelques mois, je deviens davantage à l'aise comme technicien de l'émission de Jean-Pierre. J'arrive à opérer la console sans trembler comme une feuille et même à écouter les invités, pour la plupart très intéressants. Je reste pour discuter avec Jean-Pierre après chaque émission à propos de l'invité, du rythme, du sujet. Jean-Pierre veut rendre vivant un sujet assez abstrait, que les auditeurs s'intéressent à des sujets auxquels ils n'auraient pas pensé au départ. Combien d'heures met-il là-dessus chaque semaine sans être rémunéré? Tout est pensé et préparé. On se croirait à Radio-Canada tellement la qualité est au rendez-vous. À force d'écouter les différentes thématiques de l'émission, semaine après semaine, je commence à ouvrir mes horizons. Je veux dire, les sujets m'apparaissent dans toute leur complexité. Ce qui me fait penser aux discussions avec Phil, ces échanges intellectuels où on voit soudain un autre côté qu'on n'aurait jamais imaginé dans le fond. Un autre soir, a opéré la technique à CKRL. Et avec le retour des beaux jours, le soleil se couche pendant l'émission de Jean-Pierre. Le ciel devient rouge vif, puis le rose éclair d'une teinte presque vibrante couvre tout l'espace des grandes vitres de la station, avant de se transformer en violet et faire fondre les bâtiments de la haute ville dans le noir. J'ai accepté d'être metteur en onde pour une émission du mardi soir à CKRL. Daniel m'a demandé de le dépanner et qu'est-ce que j'ai à faire dans le fond à part remplacer un serveur au temporel ou aller voir Steph. Je reviens à mes premiers pas à la station l'an dernier quand j'opérais la technique pour Jean-Pierre et tremblais de partout. Mais maintenant, c'est devenu presque machinal. C'est une émission sur les cultures du monde. Et après avoir exploré quelques semaines la Hongrie, l'Islande, le Venezuela et Cuba, les deux animatrices me demandent si je veux faire la saison au complet. Elles sont amies depuis longtemps, se relançant avec une complicité évidente. Deux soirs par semaine à faire le trajet vers Limoilou au gros froid, traverser la rivière Saint-Charles gelée, saluer un animateur qui sort ou qui entre, pénétrer dans le studio, placer les écouteurs sur mes oreilles, regarder distraitement le trafic au coin de la deuxième rue, feu rouge et phare des autos qui s'en vont lentement dans l'ombre vers leur vie inconnue, large balai de la circulation devant la station-service de la 3e avenue. Quelques promeneurs passent pressés devant la fenêtre du studio. Forme sombre déjà disparue. Et dans 10 secondes, je lance l'indicatif de leur émission, puis réduis le volume pour que Patricia, la grande brune à l'air décidée, salue les auditeurs de sa voix grave. Eh bien voilà, nous y sommes enfin rendus. Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation de CKRL, qui vous accueille au Radioton 2023. de CKRL. Ça fait des semaines et des semaines qu'on vous en parle par publicité interposée dans nos émissions. On vous a présenté la programmation des événements VIP. Eh bien, ça commence aujourd'hui même. À l'instant précis où je vous parle, le Radioton commence. Une programmation extraordinaire construite autour de nos dizaines d'artisans CKRL. C'est la fête de la radio, c'est la fête de CKRL, non seulement parce qu'on met à contribution chacun de nos artisans dans nos émissions de la fin de semaine, on met également à contribution des artisans, des artistes locaux de la ville de Québec qui viennent nous présenter leur travail dans des prestations spéciales qu'ils viennent offrir à la station, mais c'est aussi bon, c'est la fête de la radio parce que c'est notre 50e anniversaire, c'est le Radioton du 50e anniversaire de CKRL. Et en cela, ça s'inscrit dans une programmation globale qui couvre l'année 2023 où on vous a reçu à l'hôtel Château-Laurier en février. On vous a présenté une journée spéciale anniversaire le 15 février et maintenant nous sommes rendus au Radioton où on met de l'avant une belle programmation spéciale. Qu'est-ce qu'on a entendu en ouverture d'émission? C'était l'auteur Martin Têtu qui nous a présenté des extraits de son plus récent roman paru en juin 2022 aux éditions Personnales. Le roman Félix au café temporel, ça se passe dans les années 90-2000, ça parle de CKRL, Martin. Oui. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un Félix, en fait, c'est un étudiant en génie, banlieusard de Charlebourg, qui a des amis qui se tiennent dans le Vieux-Québec, notamment au temporel, et il décide finalement de lâcher sa vie au complet qui devait avoir lieu de façon relativement plus conventionnelle, et il se met à travailler au temporel, habiter pas loin dans le Vieux-Québec, et suite à une discussion avec un de ses collègues travailleur au temporel qui est animateur à CKRL, cet animateur-là lui demande de devenir metteur en onde à CKRL. Puis il n'a jamais fait de radio, il ne sait même pas c'est quoi CKRL, mais il embarque et il découvre la bohème de Québec qui, selon moi, était vraiment CKRL, le temporel, peut-être le périscope, ce genre de choses. C'est comme des institutions de bohème. Donc, on devient comme un insider et on suit Félix qui passe de metteur en onde. Il va même devenir animateur. Ça va être un gros moment pour lui. Bon, je viens de révéler un punch du livre, mais ça arrive quand même. Et également, il va vivre une nuit radiophonique pendant le Radioton. Alors là, on va même en lire un extrait tout à l'heure. Donc finalement, on va lire l'extrait du Radioton dans le Radioton. Donc un livre qui distille un peu l'esprit de CKRL, l'esprit de Québec, ville culturelle. Quand on nous a proposé que vous veniez en faire la lecture, on trouvait ça génial en début d'émission, une belle manière de lancer les festivités de manière un peu cryptique. Et oui, on te retrouve à la fin de l'émission, Martin Têtu, pour une deuxième lecture. Oui, le punch est vendu, on parlera de Radioton pour oui, clore ça un va peu. Être, ça va être, en fait, je voudrais dire, c'est que le narrateur vit toutes sortes de choses. Il y a une de ses amies qui s'appelle Steph qui va pas très bien, etc. Et ça montre aussi que quand on est animateur de radio communautaire, on a une vie aussi, il faut quand même faire la job, il faut passer la nuit, même si finalement il nous arrive toutes sortes de choses dans notre vie. Donc voilà, lui a sa vie, il va apprendre quelque chose d'un peu dramatique. Merci Martin Tesson, on se retrouve plus tard dans l'émission. J'ai également avec moi pour lancer les festivités, bien sûr, le directeur général de CKRL, Danny Fortin. Salut Danny. Bonjour Jean-Sébastien. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, début de notre Radioton du 50e anniversaire. J'étais content d'entendre Martin justement nous faire une lecture de son roman parce que ça représente bien plusieurs artisans, finalement, qui passent à CKRL au fil des ans. Leur parcours est radiophonique, mais ils ont une vie également associée, justement, à leur parcours. Ils sont artisans bénévoles, et ils se développent des nouveaux talents, des nouveaux amis, nouveaux milieux de vie. Puis c'est vraiment bien. Bravo, Martin. Et comme je disais il y a quelques secondes, c'est la fête de la radio, c'est eux qu'on fête à travers ce Radioton-là. C'est également la station, c'est 50 ans que nous fêtons, mais le Radioton de CKRL, c'est aussi notre événement bénéfice annuel. C'est de là qu'on tire une grande partie de nos sous, en fait, Danny. Oui, absolument. Donc, quand on parle du Radioton de CKRL, on parle à peu près 12 à 13% du revenu annuel de la station. Cette année, on tente le 50 000 $ avec le 50e anniversaire de CKRL. J'ai déjà un premier chiffre à annoncer, Jean-Sébastien. Oh. Donc, en ouverture du Radioton à 16h, on est à 3 875 $. Oh, wow. Donc, c'est un très bon début. Ces montants ont été amassés avec le pré-radioton de CKRL qui se poursuit jusqu'à 17h, heure de nos deux tirages. On va avoir un tirage que tu vas faire, justement, un tirage pour les gens qui ont fait un don en pré-radioton, et tous les membres qui ont renouvelé le carte de membre et ceux qui sont également membres actifs de CKRL, donc en date d'aujourd'hui. Ça fait qu'à 5 heures, on aura deux tirages pour eux. Le radioton de CKRL, comme je le dis, Jean-Sébastien, c'est 50 000 $ qu'on veut aller chercher pendant les 3 jours. Ça provient de nos partenaires, partenaires locaux, partenaires gouvernementaux, de nos donateurs, auditeurs, et bien sûr l'encan. L'encan qui a été lancé jeudi dernier. On a un encan avec 100 lots différents que vous retrouvez sur notre site Internet. C'est très simple. C'est un encan interactif, donc en ligne. Jusqu'à maintenant, il y a 87 lots sur 100 qui sont démarrés. Ça fait que okay. C'est bien parti. On souhaite que les 100 démarrent ce soir, que les 100 soient démarrés. Et les gens ont jusqu'à dimanche soir pour miser. Donc, jusqu'au 30 avril, dimanche à 20h, pour miser pour les lots de nos partenaires. Il y a également les dons habituels, c'est-à-dire que les gens peuvent faire un don sur notre site Internet, donc à ckrl.qc.ca. Passez nous voir également à la station 405 3e Avenue, nous appeler au 418-640-2575. Quand je dis passez nous voir, ils peuvent faire un don, renouveler le carte de membre, mais on a également une table de marchandises où se retrouvent des CD, des livres, des vinyles et notre marchandise à nous, notre nouveau matériel aux couleurs de CKRL, que ce soit des chandails, bouteilles, casquettes, tuques même également. Donc, pas pour aujourd'hui la tuque, mais bon, à un moment donné, vous allez en avoir besoin. Donc, vous pouvez passer nous voir tout au long de la fin de semaine. On a également un magnifique T-shirt qui reprend le visuel magnifique que nous a fait Félix Girard. Oui. Le visuel du Radioton officiel où on voit la silhouette du coin de la 3e avenue, 4e rue. Donc, c'est en vente ici avec la nouvelle merch, entre guillemets, de CKRL avec les logos. Exactement, Jean-Sébastien. Donc, ce que Félix Girard nous a produit sur notre affiche officielle se retrouve sur le chandail, un chandail noir ou le blanc, mais également œuvre d'art à l'encan du Radioton, où on retrouve justement le visuel officiel du Radioton du 50e anniversaire. Le Radioton, c'est une 30aine d'émissions spéciales, dont 7 événements VIP, 4 spectacles. 6! 6 ouais. événements VIP, 4 spectacles, 2 événements gourmands animés par Jessica Leb. On y reviendra au fil de l'émission. Il reste des billets pour chacun. Pas pour chacun de ces émissions. Non, pas pour chacun. Il y en a quelques-uns qui sont complets. Oui. Si on se comprend, c'est une salle VIP limitée en termes d'espace et dans notre station revampée en cabaret pour l'occasion. Mais oui, il reste encore des billets. Puis ce que je mentionne, c'est que si les gens veulent faire un don à CKRL de 20 $ ou 30 $, pourquoi ne pas jumeler ça justement avec un spectacle? Absolument. Un spectacle VIP. Fait que vous faites votre don de 20 $, vous venez assister à un spectacle, vous avez même une consommation de la Corrigan ou de la haut kombucha. Donc, vous êtes gagnant. Vous faites un don qui va ajouter un montant à CKRL et vous recevez en retour un spectacle exclusif. Je vais les nommer rapidement. Dès 17h, aujourd'hui même, dans quelques minutes, Melody Spear sera en prestation ici, dans la formule 5 à 6,5, avec Melody Spear. Ce soir, à 20h, Michel Dubois nous amène son classique Rue d'Auteuil avec la formation Jam Road. Oui, puis je t'arrête là-dessus, Jean-Sébastien. L'émission de blues à CKRL, c'est une des émissions les plus populaires. Absolument. Qu'on a au niveau de l'écoute, du téléchargement et tout ça. Il reste encore des billets. Sérieusement, vous avez le temps, les auditeurs de blues qui suivaient CKRL depuis longtemps, la communauté blues de Québec, venez faire votre tour ce soir. Pour 20 $, vous allez avoir un spectacle de blues. Vous allez voir votre animateur Michel Dubois que vous écoutez tous les vendredis soirs. Fait que ce soir, je veux vous voir ici à CKRL. Message du directeur général. Écoutez-le. En plus, Michel vous a préparé une sélection de CD de blues qui vient de sa collection. Également, une sélection de magazines de blues. Donc, il y a un spectacle de Jam Road, une consommation et vous retournez chez vous avec du bon vieux blues. Ça vaut pas mal plus que 20 $. Absolument. Demain matin, en avant-midi, Jessica Lay présentera un déjeuner avec le Château Frontenac avec, comme artiste musical, Winter Glow. C'est un classique annuel, je crois que c'est déjà venu quelques fois, le Château. Oui, ici. Le Château, je pense que ça fait la 3e fois qu'il nous offre un événement gourmand, donc c'est vraiment à ne pas rater. Là. Mais malheureusement, il reste quoi? Une ou deux places. Oui. Donc faites vite. Dépêchez-vous. Oui, exact. Par la suite, on a Tailleul, Requiem pour Memento, un projet construit autour du musicien et poète et cinéaste légendaire du Québec, Pierre Harel. Une seule place disponible. C'est une seule place disponible. Oui. Autre spectacle, bon, ça c'est complet, on doit l'avouer. Il est trop tard pour venir voir Vilain Pingouin et Hugo Mioudi dans le cadre de Prescription Punk Rock demain soir à 21h. Dimanche, nous retrouverons Jessica Leb encore une fois pour un dernier événement gourmand. C'est l'apéro du terroir avec Apicole, Mille et une fondue et le Bangar avec Keith Kuna en prestation et Lou Adrienne Cassidy, une de nos co-porte-parole artistiques. Oui, puis ça c'est 30$, mais vraiment, là, je pense que c'est le seul repas que vous allez avoir de votre journée si vous passez ici à CKRL et vous allez avoir des performances, comme tu viens de le mentionner, avec Keith Kuna. Il va avoir également la présence de Lou Adrienne pour cette émission-là spéciale. Donc, justement, réservé là, pour l'événement gourmand de dimanche. Dany, on va s'en reparler plus tard dans l'émission, plus tard dans la fin de semaine, de cette superbe programmation. J'ai envie qu'on écoute une pièce d'une de nos porte-paroles artistiques, Lou Adrienne Cassidy, un extrait de son plus récent album. Et après cette courte pause musicale, nous pourrons nous entretenir avec nos partenaires politiques, les députés Julie Vignola et Sol Zanetti. Bon Radioton à tous. Bon Radioton à tous. Réponds, réponds quand je te parle, un signe quand j'éteins la lumière. Réponds, et s'il fait noir dans ma chambre, on rêvera les deux yeux ouverts. Étrange, étrange de se voir en rêve, mais sans se reconnaître. Silence, et déjà la s'achève. Demain je reviendrai. Tu sais, aujourd'hui en me réveillant, j'étais découragée. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs je te dis tout le temps qu'absolument rien ne va changer. Cherche pas, je suis une soldate de la nuit, une montagne magique. Cherche pas, tes mains attachées à mon lit, je te ferai ce que je voudrais. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous écoutez toujours l'émission d'ouverture du Radioton 2023 de CKRL. Jean-Sébastien Doré avec vous. Je suis le directeur de la programmation et directeur musical de la station et j'ai avec moi deux partenaires politiques de longue date de CKRL, le député provincial de Jean Lesage, Sol Zanetti, député depuis 2018. Salut. Bonjour. Et la députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Ça va bien? Très bien. Je vais commencer avec une question. Jessica Leb, qui me précède au poste de directrice de la programmation, m'a briefé sur le fait que j'étais deux communicateurs, deux anciennes personnes de radio, disons-le ici. D'où vous vient cet amour-là de la radio, de la radio communautaire? Ben toi, je pense que c'est une histoire particulièrement nordique à ce sujet-là. Ah oui, moi c'est très nordique. J'étais à Fermont. Okay. À la radio communautaire de Fermont. Puis c'est la Maison des jeunes qui avait été approchée pour que des jeunes s'impliquent à la radio communautaire puis créent la relève. Et ils m'ont choisi. OK. Donc, ils m'ont choisi. J'ai fait deux ans de radio avant de quitter Fermont pour aller aux études. Donc, ça a été toute une expérience extraordinaire. Des fois, de recevoir un appel le matin, je dis, cette chanson-là, le matin, est peut-être un peu trop évite. Avez-vous fait des études de communication par la suite ou ça ne fut qu'un passage? Qu'un passage, mais ça m'a été utile parce qu'ensuite de ça, j'ai été enseignante. Donc, d'être capable de combler les temps morts. Ça arrive en enseignement des fois. Puis c'est pas vrai qu'on le fait en criant tout le temps. Tant qu'on crie pas, c'est correct. C'est ça. Et ça, Zanetti, c'est ici même à CKRL que vous avez fait de la radio. Ben oui, je participais à une émission régulière qui s'appelait Rage au volant. Tenez-vous bien. quand même un bon titre. C'était l'idée de mon ami. Puis j'étais bien content. Puis entre autres, j'improvisais des tunes à la radio en direct. Donc les gens nous envoyaient des titres de tunes. Puis là, j'avais comme la pause musicale pour comme composer de quoi avec ça en style impro. C'était très court quand même, là. Je ferais des affaires de 45 secondes. Puis on avait bien du fun. On a même, à un moment donné, j'ai manqué l'émission où mon collègue avait invité Pierre Falardeau. Mais là, je m'en veux. Mais il m'avait laissé comme un livre avec une dédicace. Fait que j'ai ça. J'ai un livre dédicacé par Pierre Falardeau à cause de ça. Et hors d'onde, juste avant notre entretien, tu m'as confié le titre d'une de ces pièces-là. Une pièce qui a été créée dans le cadre de cette émission-là. Est-ce que tu peux la nommer? Ou... Ben oui, ben, les auditrices et auditeurs de CKRL sont très créatifs. Alors, oui. À un moment, on avait mis au défi d'improviser une chanson dont le titre était « L'amour est impossible après Staline ». Alors, écoutez, moi, je me suis plié à la volonté populaire et puis je l'ai faite. Mais j'ai ça quelque part d'enregistrer, mais je ne saurais pas rapidement la retrouver, là. Peut-être pour le Radioton du 51e. Peut-être. J'aimerais tellement ça, entendre ça. On a essayé de regarder, si, tu sais, on a des guitares ici à l'arrière, puisqu'on a une prestation qui suit cette émission. Finalement, ça s'est pas passé, puis j'aurais aimé ça, entendre ça ici. Mais ça, là, une belle voix. Ouais, là, aujourd'hui, vous l'entendez, je suis comme un peu... mais je suis capable. Ça, là, une belle voix. Moi, j'étais la plus jeune à 14 ans à la radio communautaire. Fait que j'étais celle à qui on faisait des coups. OK. Ah. Fait c'est pas arrivé souvent, mais des fois, à l'époque, on avait deux salles. Une salle avec la console, puis une salle avec les micros. Oui. Ça a pas duré longtemps, parce qu'après ça, ils nous ont dit, débrouillez-vous, vous allez faire les deux. Et ce qu'ils faisaient, c'est que pendant que les chansons jouaient, puis moi, je chantais à tue-tête, ils allumaient le micro. OK. Mais je chante vraiment pas bien. Ah, c'est méchant. C'était méchant. Quand on chante dans notre intimité comme ça. Là. Voilà, mais ça a donné, on s'en parle encore aujourd'hui, là, ça a donné des amitiés incroyables puis des faits cocasses. J'ai des amis de mon père qui m'en parlent encore de cette expérience-là. Ça n'a pas été mauvais pour le public, là. Ça a été cocasse. Okay. Pour les oreilles, c'est une autre paire de manches. Existe-t-il des extraits de ces chansons-là de... J'espère que non. Oh. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait la force d'une radio communautaire comme CKRL? Ben, c'est une voix qui est différente hein, dans un paysage radiophonique qui a des fois besoin de diversité, là, je veux dire. Et c'est une occasion aussi pour tout le monde de prendre la parole, de créer des émissions qui n'existent pas et dont nous avons besoin. Et puis ça, ben, c'est très, très précieux. Oui, définitivement la proximité. Oh non. Oh non. Je vois une guitare arriver, je sens le défi va suivre. Ben, soudain, c'est moi qui est gêné d'avoir pensé au défi. Mais c'est vraiment la proximité. Puis comme ça, le disait pendant qu'il prépare la guitare, c'est d'avoir autre chose que du Miley Cyrus Flowers. Là. Oh oui. Puis d'aller chercher dans d'autres cultures, d'autres sons, d'autres sonorités. Puis des fois, tu fais juste comme... Hein, c'est bien weird, mais j'aime ça. Donc, c'est la radio communautaire permet ça. Puis comme politicien, ça vous permet de parler directement à vos commettants, est-ce qu'on dit ça comme ça? Est-ce que ces radios-là, vous en servez souvent pour parler à vos citoyens, parler à vos concitoyens? Oui. Puis surtout, dans mon cas, c'est aux deux semaines, une quinzaine de minutes. Puis, ça justement, parce que Ottawa est tellement loin. Oui. Pas seulement géographiquement, là, mais aussi au niveau des sujets. Tu sais, je veux dire, l'assurance emploi, on espère pas mal tout le monde de ne pas en avoir besoin trop souvent, mais ça arrive qu'on a de besoin. Mm-hmm. Mais sinon, bon, si on ne voyage pas, on n'a pas besoin de passeport. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin au quotidien, puis qu'on se dit, ben, à quoi ça sert le fédéral? Puis il y a d'autres choses qu'on ne voit pas, puis c'est le fédéral, mais on n'est pas au courant. Fait que la proximité de la radio communautaire permet de renseigner comme ça. Fait que là, je pense que ça, les... Oui, on pourra même renseigner les gens de Québec à savoir, est-ce que l'amour existe après Staline? Ben là, c'est ça. Mais moi, ce que je propose, c'est en fait... Ben, je sais pas si vous avez le temps, là, mais ce qui pourrait être bien, ce serait que les auditeurs et auditrices nous envoient une rafale de titres de tunes qui voudraient que j'improvise, puis que là, j'ai peut-être 45 secondes comme dans ma tête seul pour trouver des idées, puis qu'après ça, je pourrais revenir avec ça. Ça marche, ça? On pourrait faire ça, peut-être au retour de la courte pub qui s'en vient dans quelques minutes. Parfait, alors garrocher ça, les titres, tout de suite, puis je vais prendre celui qui m'inspire le plus. À 16h30, Étienne Grandmont se joindra à nous, et seul Zanetti pourra nous interpréter une pièce. Ben juste avant de partir en courte publicité... Quels sont les plus récents enjeux et points chauds de votre travail de député? J'imagine qu'il y a le troisième lien ici qui vous a intéressé, Sol Zanetti. Puis au fédéral, qu'est-ce qui vous a intéressé, Julie Vignola, dernièrement, à tour de rôle? Il y a tellement de choses au fédéral. Là, c'est le budget. Puis on apprend, il y a 29 sections au budget. Je l'ai appelé le budget mammouth laineux. Donc, comme le mammouth laineux, il y a plein de choses cachées dans la laine, mais contrairement au mammouth laineux, c'est pas forcément merveilleux. Donc, ni le plaisir des scientifiques. Notamment, il y a une section pour dire que Charles III est le chef d'État du Canada officiellement. Eh ouais. Ils sont encore là. Moi, on n'est pas en 2023. Donc, voilà, on a le chef d'État du Canada n'est pas le premier ministre, je vous informe. C'est définitivement un roi étranger. Donc, c'est on va changer ça, aspects. Julie. Hein? Hey, on veut tellement. Québec va sortir de ça, puis on n'en sera plus là. Ah, s'il vous plaît, faites. On peut vous préparer la voie. Et vous, seul Zanetti, comment ça se passe à l'Assemblée nationale? Ça se passe bien. Là, en ce moment, c'est l'étude des crédits. Donc, nous aussi, on analyse le budget, puis on va poser les questions. Déjà cette semaine, ça a été le cas pour mes collègues. Moi, mes dossiers arrivent la semaine prochaine. Alors, je poserai les questions à Jonathan Julien, ministre de la Capitale-Nationale, aussi à M. Roberge, qui est ministre de plein de choses, mais entre autres pour les institutions démocratiques. J'ai posé des questions, les relations canadiennes aussi, et l'accès à l'information. Donc, on va travailler là, leur poser des questions pour leur faire révéler et dire des choses qu'ils n'auraient pas souhaité révéler. Tu lui parleras du sapin qui s'est fait passer. C'est pas un sapin, c'est un séquoia. Un séquoia. Sur la langue française. Ouais. Là. Ils ont eu des compromis, entre guillemets, là. Mais là, le fédéral va donner comme 700 millions aux anglophones du Québec qui sont considérés comme la minorité la plus choyée au monde par l'ONU. 700 millions pour préserver l'anglais au Québec et assurer finalement l'anglicisation. C'est quelque chose. Ce sera sur la table des discussions. Oh, je suis content. Hey, j'ai une idée, Sol Zanetti. J'avais une autre question pour vous concernant un des lots que nous avons à l'encan qui vous concerne. En fait, c'est un repas avec vous aux parlementaires. Oui. Et ça pourrait être la thématique de la chanson qui pourrait être improvisée au retour de la publicité, des sujets qui pourraient être abordés avec... l'auditeur ou l'auditrice de CKRL qui aura la chance de discuter avec vous de politique ou de tout et de rien autour d'une table et d'un bon repas. OK. Je pense à ça. Merci, Julie Vignola, d'avoir été avec nous. Seul, on se retrouve dans quelques minutes. Parfait. Toujours un plaisir. Dans quoi je me suis embarqué. Et on se retrouve on se retrouve après la courte pub avec Seul en chanson et avec Étienne Grandmont en discussion. Vous écoutez l'émission de lancement du Radioton de CKRL. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigane, le Bal du Lézard, Audiolite, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Le 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Participez aux événements VIP du Radioton de CKRL. Des expériences radiophoniques uniques où vous êtes conviés à être le témoin privilégié de prestations d'artistes, dégustations et émissions en direct. Le projet Melody Spears, Tailleul, Requiem pour Momento avec Pierre Harel, Vilain Pingouin, nos émissions gourmandes et plusieurs autres. Réservez maintenant sur ckrl.qc.ca. Faites vite, les places sont limitées. Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigan, le Bal du Lézard, Audiolight, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000 $ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coa. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Vous écoutez toujours l'émission d'ouverture du Radioton 2023 de CKRL 89.1. Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation et directeur musical de la station, avec vous pour vous présenter tout ça. Je vous rappelle qu'avant la courte pub, nous avons lancé le défi non officiellement à Sol Zanetti de nous interpréter, de nous improviser une pièce. Finalement, une guitare nous est parvenue et là, vraiment... Je suis désolé. Et là, je suis pris à improviser une avec une voix chambranlante, une chanson en direct. Mais je vais le faire parce que qu'est-ce qu'on ferait pas pour le plaisir de l'auditoire de CKRL? Alors, je ne donne aucune garantie de satisfaction. Je répète, j'ai eu à peu près une minute pour composer ça. Composer est un bien grand mot. Les seuls mots que j'ai devant moi, c'est en fait le titre de la chanson qui a été suggérée, qui est « La poutine du parlementaire », parce que le parlementaire, c'est le nom du restaurant. Absolument. Auquel nous pourrions manger ensemble si vous misez sur le prix à l'encan, c'est ça? Absolument, c'est l'encan numéro 97, Sol Zanetti, député de Jean Lesage. Il s'agit d'un repas pour un dîner pour deux personnes aux parlementaires avec le député Sol Zanetti. Le prix de départ est à 150 $. La mise actuelle est à 400 $ déjà. Hein? C'est Miguel Ross qui est un membre du CA ici de CKRL. Donc on salue. Salut Miguel. Donc peut-être ici un court aperçu de ce dont vous pourrez discuter à ce en prix-là, musique. À ce prix-là, il va falloir que je paye du vin puis tout là. Donc la toune. Ah mais la toune, il n'y a pas de garantie de satisfaction. Mais je le vois, c'est une page blanche, il y a le titre en haut, c'est tout. Ah, j'ai mon collègue ici, Étienne Grandmont, oui, qui Étienne est un Grandmont témoin. Est arrivé. Député de Tachereau, on parlera par la suite. Ben oui. Fait que c'est maintenant que j'ajoute, là. Ah, qu'on pourrait discuter. Puis mais est-ce que vous voulez? Non, ben écoute, préparez, okay. Tu sais, c'est trop tard, je veux dire, ça va être ce que ça va être, là. Je vais y aller quand vous voulez. Puis okay. Ça durera pas longtemps, OK? Je ferai pas une, tu sais, je vais pas m'étirer, hein, ça va. Comme vous voulez, c'est vous le chef d'orchestre. Bon, on pourrait discuter quelques instants. Moi et Étienne Grandmont qui est ici. Et ça va te laisser 2-3 minutes pour penser à tout ça. Bonjour, Étienne Grandmont, député de Tachereau depuis octobre 2022. Oui, exactement. Bonjour, je suis content d'être ici. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Hey, désolé, d'arriver comme ça, c'est en pleine ébullition ici. Oui, c'est ça, il y a de l'action ici, c'est vraiment super le fun. D'ailleurs, je suis venu accompagner de ma fille qui, demain, à l'émission Fidèle au poste va m'interviewer. Ah ben oui, l'émission animée par Jean-Sébastien Grondin. Exactement, donc c'était comme une espèce de répétition. Elle m'a déjà passé en pré-entrevue, mais en plus, demain, elle va vraiment m'interviewer. Donc j'ai très très hâte de vivre ça avec l'équipe de Fidèle au poste. Oui, ça va vraiment être trippant. Notre co-porte-parole artistique sera également de la partie à Saint-Fidèle au poste, Lou Adriane. Sera avec Alexandre Martel, qui lui sera interviewé par sa fille. Donc vraiment une belle émission demain à 12h30, je crois. Quelque chose comme ça, oui. C'est moi qui devrais le savoir. À 13h, 13h à 14h. Donc, on vous retrouve en duo demain. Yes. Étienne Grandmont, c'est quoi, selon vous, l'importance de soutenir une station comme CKRL? C'est quoi? Quelle valeur a une station communautaire comme CKRL pour la population de Québec? Je trouve que quand je suis rentré ici, l'ébullition qu'on sent, là, évidemment, c'est pas tout le temps aussi effervescent puis autant de bulles que ça d'habitude. Mais pour moi, une radio communautaire, c'est ça aussi. C'est l'ébullition. C'est un soutien à la relève. C'est un soutien aux idées nouvelles. C'est un lien entre les organismes communautaires. C'est un lien entre les citoyens. C'est des nouvelles hyper locales. Puis on sait que les gens en ont de plus en plus besoin aussi. Les gens ont envie d'espace démocratique renouvelé. Puis une radio communautaire, ben c'est ça. Donc c'est pour ça que ça me faisait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui, de soutenir, d'apporter mon appui aussi à CKRL qui fête un anniversaire important aussi aujourd'hui, cette année en fait. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de souligner la longévité d'une radio aussi importante à Québec. Absolument. Et j'ai posé la question à Julie Vignola et Sol Zanetti de dont ce n'était pas le premier radioton. C'est votre premier radioton de CKRL. Ouais. Avez-vous comme déjà député, fait comme la. Député. Comme député. comme député. J'ai déjà participé comme citoyen aussi par le passé. Et oui, j'ai déjà participé à des émissions de radio, notamment Radio Alternative, qui était soutenue par l'organisme de coopération internationale Alternative. Donc, j'ai occupé plusieurs rôles là-dedans. J'étais chroniqueur, j'étais animateur, j'ai soutenu l'organisation de cette émission-là aussi. Ça a joué sur deux radios ici à Québec, à CKIA et CKRL. Et franchement, ça a été pour moi la découverte de ce médium-là, que je trouve absolument formidable, que j'adore. J'aime la radio, j'aime l'écouter, mais j'aime ça aussi la faire. Un jour, j'en reviendrai peut-être aussi au cœur d'émission, on verra, mais j'aimerais vraiment ça. Puis c'est la liberté que nous offrent ces radios-là aussi, que j'ai vraiment apprécié. Le pouvoir d'explorer des sujets qui touchaient l'actualité internationale à l'époque, mais ça nous a permis, nous, de découvrir le monde à travers CKRL, puis de le partager, de partager ces découvertes-là avec les auditeurs et auditrices des stations dans laquelle on a sévi. Et c'est votre premier mandat à l'Assemblée nationale depuis octobre dernier. Comment ça se passe, votre première année comme député à l'Assemblée nationale, auprès des gens de Taschereau et vis-à-vis les travaux parlementaires? Ça se passe très bien. C'est une belle expérience. J'ai la chance d'avoir une équipe incroyable avec moi. Mon collègue Sol Zanetti, entre autres, me parraine, me donne des bons conseils. Donc, ça aide beaucoup aussi. Mais sans blague, c'est vraiment un métier fascinant, passionnant, stimulant. Je me sens très privilégié de pouvoir faire ça aujourd'hui. J'espère avoir un impact positif dans ma communauté. C'est ce que je faisais anciennement dans mes anciennes professions que j'ai faites, dans le quartier Saint-Sauveur, sinon après ça sur les enjeux de transport collectif et actif. Donc là, je continue à le faire pour une circonscription, mais je le fais aussi pour le Québec avec des leviers différents. Et franchement, je pense qu'on peut faire une différence. On a des belles choses à fêter aussi. C'est du travail qui donne des résultats. On l'a vu avec le troisième lien, par exemple. C'est un exemple, mais il y a plein de choses qui donnent des résultats. Quand on se mobilise et on le fait ensemble, quand c'est une aventure collective, on peut obtenir des résultats. Et merci, Étienne Grandmont, d'être venu nous voir à cette émission d'ouverture. Vraiment, on est vraiment heureux de vous recevoir. Ça fait grand plaisir. Et on vous retrouvera demain à 13h en entretien avec votre fille. Oui, exact. À Saint-Fidèle au poste. Et avant d'aller en pause musicale, disons qu'on va déjà passer en musique. Je ne sais pas si Sol Zanetti, vous êtes prêt à nous interpréter cette pièce? Je suis plus prêt qu'hier, moins que demain. plus près qu'il y a 5 minutes, là, tu vois. Un petit peu plus près qu'il y a 5 minutes. Et la chanson que m'ont demandé de composer donc les auditeurs et auditrices de CKRL est La poutine au creton du parlementaire. Parce que à un moment donné, le précédent président du Parlement, qui s'appelait François Paradis, qui était un homme de télévision, avait comme fait une émission de télévision où est-ce qu'il mangeait avec des parlementaires, puis là, il faisait faire un plat qui était fait avec les ingrédients du terroir de la circonscription de l'invité. Alors là, moi, il m'a invité, puis là, je dis, c'est quoi le terroir de Jean Lesage? Je dis, clairement, il y a de la bière là-dedans. Clairement, il y a les cretons couture, parce que vous savez, les cretons couture sont faits de sa 4e avenue. Puis, alors là, il a concocté une poutine au creton. et c'est une des affaires les plus décadentes que j'ai jamais mangées de ma vie. Donc, ce sera l'inspiration, la poutine au creton du parlementaire. Fait que j'y vais maintenant, là? Oui, absolument. Hey boy, en direct de CKRL. Hein, en direct de... Ah, OK. Fait que ça va être la musique. Ensuite, les paroles. Quand je suis allé au parlementaire... Attends, il faudrait que... Hey, j'ai jamais répété ça. OK. Quand je suis allé au parlementaire manger la poutine au creton du chef qui avait travaillé pour la reine. Il y avait des cretons couture, il y avait des pommes de terre, il y avait de la sauce à la bière, de la souche sous les hauts plafonds style Second Empire du parlementaire. C'est un style déconstruit de chanson. Et je pense que je vais arrêter là parce que je trouve que c'est pas bien bon à date. J'ai quand même un sens d'autocritique. D'habitude, genre, je me fie sur les premières secondes pour m'aligner, mais là, qu'est-ce que tu veux? Et si vous voulez connaître la suite de cette chanson-là, allez miser sur le lot 97. Je vais peut-être la faire. Absolument. Un repas pour deux personnes, un dîner pour deux personnes avec Sol Zanetti au restaurant Le Parlementaire. Donc, vous pourrez développer avec Sol la suite de sa chanson. Donc, en commandant quelque chose d'inusité au Parlementaire. Je sais pas si c'est pendant la semaine de la poutine, il y a de la poutine. Mais sinon, ça peut être autre chose. Ça, c'est au début février, donc il faudrait... Ouais, c'est, ben, ouais, non, on va essayer de faire ça avant ça. Allez miser. La mise actuelle, 400$, vous pouvez battre ça là, pour entendre la suite de cette chanson-là. Certain. Hey, merci Sol Zanetti de nous avoir offert cette pièce. Ça fait plaisir. Merci Étienne Grandmont encore une fois. On va passer en musique quelques instants avec le tout nouveau single de Paul-André Cassidy, notre co-porte-parole artistique, une chanson inspirée du troisième lien qui s'appelle « Le tube » à CKRL. Après c'est en char, un matin dans ma cour, endormi, l'été prenait du retard, tu as ri de lui, ressort encore dès demain, de ce trou pour me troubler sans fin, viens remonter ma bretelle. Et planter le décor sur le champ, la fumée donne des ailes sous les vents grisants. Emporte-moi avec toi vers le fond, je vais foncer tout droit le fleuve au-dessus de nous. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission d'ouverture du Radioton 2023 de CKRL. Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation, avec vous pour encore quelques minutes. Et pour les prochains instants, je serai accompagné de notre porte-parole artisan. Un nouveau poste, un nouveau symbole créé cette année pour le 50e de la station. Monsieur Denis Lelièvre, animateur émérite des tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Denis. Salut Jean-Sébastien, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça a l'air à rouler. Ça, oui, ça va bien, ça va bien. C'est vivant. Oui, c'est le fun. C'est une heure qui doit donner le ton à l'ensemble du Radioton. Absolument. Denis, c'est un nouveau... ça a été créé cette année, hein, le le porte-parole artisan. On l'a dévoilé à notre soirée retrouvaille du 17 février dernier. Ça représente quoi pour toi, ce statut honorifique-là, cette année? Est-ce que c'est ponctuel ou ça va revenir? Je sais pas, faudrait en parler. Vous avec Dani. Eh ben, moi, c'est, je veux dire, c'est un honneur. J'en suis très, très, très fier. Surtout, bon, d'être ici depuis les tout débuts, depuis 50 ans, d'avoir connu différentes générations de producteurs. C'était très intéressant la soirée du 17 février au Château Laurier, d'en rencontrer. Et puis, c'est ça, chacun avec ses passions, ses besoins. Moi, ça me fait un plaisir de pouvoir parler pour eux et de vanter la qualité des intervenants ici passés et actuels. Et j'en ai parlé quelques fois sur les ondes de CKRL, mais également le 17 février. Le Radioton 2023 s'inscrit dans une programmation plus large de festivités du 50e anniversaire. C'est-à-dire qu'on vous a proposé la journée anniversaire du 15 février qui était concentrée beaucoup sur le témoignage, le souvenir, les archives également. La soirée retrouvaille, ben là, c'était d'humain à humain. On se rencontrait entre générations d'artisans et d'amis de CKRL à l'hôtel Château Laurier avec nos deux co-porte-parole artistes qui étaient là en prestation, Paul André et Louis-Adrienne Cassidy. Et le Radioton, et j'en ai parlé le soir du 17, c'est une manière de regarder vers l'avant également, une manière de rassembler les artisans actuels de la station, entrecoupés de tables rondes thématiques, de souvenirs, mais aussi d'artistes de Québec actuels qui nous permettent de regarder vers l'avant. Qu'en penses-tu, toi, Denis? Tu t'imagines quoi de ce Radioton-là qui s'en vient dans les prochains jours? Oui, ben c'est ça. Ben à chaque Radioton, surtout de gros anniversaires, comme celui d'il y a 10 ans, celui-ci, même comme ça arrive aussi dans la ville pour d'autres types d'anniversaires, il faut éviter le piège de la nostalgie, même si j'aime ça des fois, ne pas faire seulement qu'un bilan ou un retour sur les 50 ans, c'est très, très tentant, surtout de rappeler les débuts, par exemple. Mais pour moi, c'est le moment de faire le point et de voir, c'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir? Absolument. À partir de ce moment-ci, on s'en va où? C'est pas du tout comme si nous faisions table rase, mais de quoi a-t-on envie? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Etc., etc. Donc, beaucoup un côté avenir dans mon cas. Et pour terminer, Denis, où est-ce qu'on va pouvoir t'entendre au cours de la fin de semaine? Je sais que tu participes à plusieurs émissions. Tu en animeras une également demain? C'est peut-être une image de mon année. Plusieurs émissions. Oui. Deux. Dans tous ces cas-là. Alors, demain matin, de 11h30 à 1h, je vais animer une table ronde sur la situation actuelle du jazz au Québec, d'un point de vue de producteur, ancien et actuel, et essayer de définir un peu les défis et les enjeux, parce que c'est jamais facile. Il y aura aussi le point de vue d'un musicien qui est très connu, Carl Mayotte, et qui fera une prestation de 20 minutes en solo. Il en est fort capable. Et puis le lendemain, juste une heure, une table ronde animée par Guylaine Saint-Pierre avec des gens qui vont parler de différents aspects de leur expérience dans leur passage à CKRL. Qu'est-ce qui les a amenés ici? S'ils ont fait des entrevues avec qui en particulier, est-ce qu'il y a des anecdotes, et la question de l'évolution technique, le support du vinyle au CD, oui. à Win, notre ordinateur robot ici, et puis ça risque d'être vachement intéressant. Et on te retrouvera également à l'émission de clôture avec nous. Accompagné des... Comme aujourd'hui. Absolument, avec Paul-André, Louis-Adrienne Cassidy, mais également Robin Plamondon, notre porte-parole affaires. Je vous invite à rester à l'écoute du Radioton 2023. Dans quelques instants, Era Ménard vous présentera 5 à 6 et demi avec Melody Spear en spectacle ici à CKRL. Il reste des billets, en fait, si vous voulez venir, là, si vous êtes reste en face, si vous nous entendez. Melody. Oui. C'est incroyable. Venez ici et on va vous accueillir à l'arrière. Nos bureaux administratifs ont été transformés en cabaret. C'est magnifique. Il y a des ballons partout. Et Melody Spear. Les gens l'ont oublié, là, c'est une future star. Absolument. Elle a de la graine. C'est sûr. D'ailleurs, elle a remporté presque tous les concours où elle s'est présentée dans les 5 dernières années. Là, on entendait moins parler depuis 2 ans. Elle prenait comme une pause. Il y a certainement un album ou un projet qui s'en vient. Et pour se quitter, comme on va se quitter de la même manière que nous avons débuté cette belle émission, écoutons Martin Têtu nous lire un extrait de Félix au Café Temporel. Je ne peux tout laisser en plein ici et courir retrouver Steph à l'hôpital. Savoir si elle est consciente, ce qu'elle a exactement, être là quand elle ouvrira les yeux, qu'elle voit qu'elle n'est pas toute seule. Son père m'apprend la nouvelle alors que j'appelle Steph pour lui suggérer d'écouter la nuit radiophonique à CKRL qui commence bientôt. Après un moment, comme s'il hésitait, il me confie qu'elle a avalé toutes les pilules de la maison. Ils l'ont transportée en ambulance à l'hôpital. Je raccroche le téléphone public dans l'entrée de la station, monte à pas lents les marches et entre, sonné. L'événement va durer toute la nuit. Patricia relève la tête en m'apercevant et me demande si ça va. Je fais signe que oui, m'assois à côté d'elle à la grande table commune. J'irai voir Steph au matin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne prenne pas toutes les pilules de la maison, qu'elle retrouve sa joie de vivre, qu'elle apparaisse au temporel comme si de rien n'était et vienne prendre un chocolat chaud à la table contre la fenêtre avec Phil et moi, nous raconte le dernier livre qu'elle a lu, rougisse un peu et rit. Qu'est-ce que je peux faire, moi, le technicien de CKRL, le serveur de café, pour qu'elle ne soit pas allongée dans une ambulance qui fonce à travers les rues de Sillery vers l'hôpital Laval, qu'elle arpente plutôt les rues du Vieux-Québec comme avant, qu'on remonte ensemble la rue Couillard alors que la soirée commence? Des musiciens viennent en studio chanter quelques pièces en direct, dont certains plus connus, pour soutenir la station. Toute la nuit, des bénévoles répondent au téléphone pour recueillir les dons des auditeurs. Patricia accueille chacun avec son dynamisme habituel, sa couette se balance au rythme des entrevues. Elle me jette un coup d'œil pour s'assurer que tout va bien en onde avant de se lancer dans le prochain segment. Au milieu de la nuit, une plage horaire de 30 minutes remplie de musique nous fait une petite pause. Puis, Félix, ton baptême de nuit radiophonique, toute une aventure, hein? On repasse le déroulement de la deuxième partie de la nuit. Une série de tirages, d'autres prestations, des entrevues. La responsable des bénévoles nous informe la progression des dons. Une heure passe, puis une autre. On jette un œil dehors et le noir devenu bleu nous surprend. Depuis minuit, il y a un feu roulant d'invités, de sujets, de performances, et là, c'est fini. Patricia remercie tout le monde en onde, tous ceux qui sont passés dans le studio au micro et en arrière scène, spécialement le technicien Félix Dubois qui a fait tout un boulot. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Le rock progressif, ça non plus, il en a plus. C'était des tonnes de 20 minutes qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. Ce samedi à 23h, l'autoroute reçoit trois invités assez spéciaux. Régis Labeaume, Daniel Lavoie et Pierre Grandmaison. Puis veux-tu même dire, hey, comment ça se fait qu'il est toujours en train de regarder ton téléphone? Nous autres, les années 70, on le regardait juste quand il sonne. Trois passionnés racontent leur amour du rock à Jacques Dillac et Stéphane Villeneuve. Ce samedi à l'autoroute, dès 23h, dans le cadre du Radioton. Larry encore. OK, continue.